Bonjour tout le monde, on est jeudi, il est près de 16h, vous écoutez toujours CISM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin et vous l'aurez deviné, c'est maintenant l'heure de la grande traversée du jeudi Plectrum. Oui, célébration! Wouhou! Et on va débuter en trombe dès maintenant avec un peu de rock trash. On va avoir entre autres du Avec pas de casque. On va aussi avoir les Temps liquides, les sauveurs du rock'n'roll ici à Montréal. On va aussi avoir du 454 Super Torque, du porno robot, mais on débute dès maintenant avec du Galaxy 500. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me faire parvenir par courriel à plectrumcism@hotmail.com. Si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation d'aujourd'hui, allez sur mon blog, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Et on débute dès maintenant avec Big Bang de Galaxy 500. En avant la musique! We'll be right back. tu veux que je te vois toute nue, laisse toi comment. C'est ce qu'on vient d'écouter ici même sur CISM 89.3 FM. C'était Voleur de Basic du groupe Avec Podcast. Un peu avant, on avait les Sauveurs du Rock à Montréal, les Tons Liquides avec la pièce Y a plein de trous, qui seront en concert la semaine prochaine, le 4 octobre, au Balatou, dans le cadre du festival Pop Montréal, qui se déroulera du 4 au 8 octobre prochain. Consultez le popmontréal.com pour avoir plus de détails. Un peu avant, on avait la formation Rock'n'Roll 454 Super Torque avec la pièce Si tu veux me voir tout nu. Quel titre charmant. Un peu avant, c'était Porno Robot avec la pièce Le Python, et on a débuté avec Galaxy 500 et Big Bang. On va enchaîner dès maintenant avec des pièces plus électro. On va avoir entre autres du numéro qui viennent de signer sur l'étiquette Saboteur Records. Alors l'album devrait s'en venir très bientôt et on est tous très excités, tels de jeunes pucelles. Un peu avant, on va avoir du Simone et Pop Hip. C'est un groupe qui commence à faire du bruit sur MySpace. Alors j'imagine que c'est alternatif quand ça vient de MySpace. Ouh! On va aussi avoir Catherine avec une valeur sûre, c'est Luxor, j'adore, mais on va vous jouer un remix, mais on va débuter dès maintenant avec la fantastique Émilie Simon et la pièce Fleur de saison. Je vous parlais de Pop Montréal, si vous voulez avoir plus de détails aussi sur la programmation, j'ai fait quelques épisodes de mon podcast, de ma balado-diffusion qui porte sur ce festival avec quelques choix de concerts et aussi des extraits de groupes plus ou moins connus de partout à travers le monde. C'est au podmodernisme.blogspot.com, podmodernisme.blogspot.com. Et si vous voulez avoir plus de détails, que ce soit sur Plectrum, les autres émissions de CISM, d'ailleurs, surveillez ça. Dimanche, dans la presse, il va y en avoir un article sur Tiffany Wong qui anime Parallèle 49 les vendredis, c'est même sur nos ondes. Si vous voulez avoir plus de détails sur toute cette fantastique bande qu'est les animateurs de CISM, allez sur cism893.ca et vous serez heureux. On débute dès maintenant avec Fleur de saison de Émilie Simon sur la marge. À tout de suite. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Regardez danser les gens. Et de temps en temps et je remets le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Attention. Je remets. Attention. Je remets. Attention. Je remets le son. Je remets le son. Je remets le son. Je remets le son. Je remets le son. Je remets le son. Je remets le son. Cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne. Cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne. Cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne. Cherche pas, tu m'auras pas. Ma jupe est mini, mes collants sont flashy, mon t-shirt est trop petit et mes lunettes sont en plexi. Je prends ma douche habillée parce que j'aime bien rester. À mi-temps et jardinière à plein temps. Je bois des coups dans les boîtes branchées. Je passe des soirées avec mes copains PD. Je suis plus branchée champagne que week-end à la campagne. Je vends pas mon corps au premier venu. Je suis pas prête à mettre toute nue. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne. Cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne. Cherche pas, tu m'auras pas. J'ai un look du tonnerre. Je suis une nana d'enfer quand je marche dans la rue. On se retourne pour mater mon cul. J'aime pas les mecs cassures qui font importer leurs chaussures. Ont une Porsche Carrera et savent rien faire de leurs 10 doigts. Mon copain Michel Ardoin, il a 50 balais. Il m'emmène le week-end à Courchevel dans son chalet. Et quand sa femme l'appelle alors que je lui roule des pelles, il décroche le téléphone en me disant t'es la plus bonne. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas. Tu m'auras pas, je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne. Je suis Simone, elle est bonne. droit de poser dans cette galerie d'art. De faire les yeux doux à toutes ces jolies américaines. Que me présente Red Fox, je crois que j'aime Boston. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de boire, mais est-ce que c'est ma faute si on m'offre un verre? Je ne connais pas ces artistes, après tout c'est normal, je sais pas qui m'invite. Yes, I'm a French guy, I like your art, je te donne ma carte. Et nous, je suis venu ici pour quelques heures. Salut, bois son sourire, on s'évapore. Oh, you like my Nikes, that's it, prime blue. Jackson Pollock, new era, brand new, just like you. You got some nice lines, yeah, I'm an artist too. Come back to the studio, I got some art to work on you. Les verres gratuits sont vicieux. Je parle bizarre à cette fille. Mes mains s'avancent dans la foule. C'est toile au mur, moi je m'en fous. Je cherche la fille qui comprend ou celle qui parle français. Si je sors mon ego d'artiste, c'est pour que les gens veulent me rencontrer. Yeah, it's Red Fox, I'm with Numero. We going worldwide, getting full at art shows. We hitting galleries, we looking fresh and clean. Auctions at Sotheby's, a vintage million nickel beans. We make a moan and scream, and then we flee the scene. We snatching paintings, art heist, dream team. That's about 100 G's, so fuck the salary. Me and Numero wildin' out in the art gallery. Oh, you like my Nikes, let's see prime blue. Jackson Pollock, new era, brand new, just for you. You got some nice lines, yeah, I'm an artist too. Jump back to the studio, I got some art to work on you. Limousine, let me meet, front of one, bad seat. They pop and peep, show that human such a sweet. She got them De La Croix, they got Damier. One thing's for certain, though, the whole got Monet. Bonjour, Boston. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours la marge, le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se continue. On vient de terminer avec la pièce La Galerie d'art de Numero. Un peu avant on avait Simone et Popip, c'était la pièce Trop bonne pour toi. Un peu avant un remix de Luxor J'adore de Catherine et on a débuté avec Fleur de saison de Émilie Simon. On va poursuivre dès maintenant avec un peu de hip-hop, on va avoir entre autres du Camini. On va aussi avoir du Parawan en compagnie de TTC. On va aussi avoir DJ de Beaumarchais, ce fameux dandy du 18e siècle qui nous rappe les vertus de sa redingote. Et on va débuter avec Capitaine Braquemar et son hymne à la sodomie, Paye tes œufs. Alors, comme je viens de le dire, c'est un hymne à la sodomie qui est quand même catchy. On va lui donner ça. Mais s'il y a des enfants qui sont à l'écoute, ne leur expliquez pas ce que sodomie veut dire et bouchez-leur les oreilles car ça va être vulgaire pour les premières 2 minutes 22 de ce bloc musical. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de demandes spéciales ou des plaintes parce que je fais jouer des pièces de dandy du 18e siècle qui rappent les vertus de leur redingote ou encore d'un gars qui s'appelle Capitaine Braquemar et qui parle de sodomie dans ses pièces sous des beats accrocheurs, eh bien mon courriel c'est le plectrumcism@hotmail.com. Mon blog c'est le plectrumcism.blogspot.com. Et si c'est trop dur à retenir, va sur le CISM893.ca, c'est le site de la station et t'auras tous les détails là-dessus. On débute dès maintenant avec le fameux Capitaine Braquemar sur la marge. Attention aux oreilles, ça écorche. Avec le cul, je vais casser ta vertu. La tête sous le coussin, tu vas tâter mon gaudin. Je veux pas voir ta face, je veux pas voir tes grimaces. Allez, c'est la teuf, vas-y, fais des seins. L'eau dure avec les potes, tu allais à une teuf. Là-bas, je bougeais, putain, y'avait la meuf. Nous, on voulait juste leur desserrer les seins. Mais après, on s'était fait serrer par les keufs. Paye des seins, paye des seins. Capitaine Braquemar, le roi du casque. massage de fesses en liesse, en larmes, je les laisse chialer jusqu'à la nuit tomber. Même si elles crient pitié, jamais je les laisse souffler. Allez, viens là, viens encaisser. Pays-pays. Sista, envoie ta boîte à caca. Viens ici, je vais te refaire la plomberie. Tu connais le chemin, je vais te casser les reins. Allez, c'est la teuf. Vas-y, pète ça. Mais oui, t'es la plus belle, et viens que je te pète la rondelle. Allez, fais pas ta siotte, hop, hop, je pousse la crotte. Vas-y, fais pas ta pute, viens là que je te culbute. Les bras sont en brut, on va scorer des buts. Vas-y, fais-moi la fière, je te prends par derrière. Vas-y, fais-moi ta star, quand arrivent les braquemars. Je suis pas un obsédé, j'ai juste envie de te niquer. Tu vas connaître le tournoi, je vais te faire sauter le tiroir. Paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes. Paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes. Paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes. Paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes. Paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes, paye tes sommes. Tu vas payer tes faces maintenant. Ma redingote est comme elle se doit, me donne la super classe digne de roi. Mes mains ne sont pas celles de dandy, j'ai la dégaine facile et le pied plutôt funky. Ma redingote tissée de fil de lin, importée des régions les plus sauvages de l'Inde. Fais bonne impression à la cour, gendarme succombe à ses contours. Mon mouchoir de soie dit tu l'as vu, car ma redingote troue le cul. Quand je pense au sort de ces manants qui étaient trop à convoiter mon vêtement, avant qu'ils ne rendent gorge, j'en ai profité pour leur montrer que là mes sens sont bien agencés. Agencés, hein, yo baby baby baby biatch. Ma seconde peau, ma carte de visite, soupe mes robustes, elle m'est toujours pratique. Quand tu t'y frappes, tant de me faire les pattes, au rythme de mes poings, je joue toute une sonate de bac. Yo, bats les pattes, mets sur ta tête un sac, je mérite que d'être regardé par des gens battes. Si vous êtes sage, je vous ferai tout un show, personne n'a ma dégaine quand je fais le robot. Collant mon chef de nac, je suis le crack des cracks, vêtu pour le massacre. Qui peut se vanter d'être sapé, plus chic que Beaumarchais, le Mac. Ma redingote, qu'on se le dise, fait autant d'effets de la Gascogne à Venise. Peu importe la culture ou les différences, les meufs me supplient, elles veulent du made in France. Solitaire chevalier, dans son fourreau son épée, mouche de rechange, visage fardé, toujours prêt à rendre justice au oui-dire. De Beaumarchais est dans la place pour se servir. Hop là la marquise, du balai l'homme d'église. Je pense donc vous êtes, voilà ma devise. Numéro 1 à la ville comme à la campagne, c'est moi qui invite, qu'on sable le champagne. Ma redingote est du dernier cri, oh yeah. Abstenez-vous de vulgaire copie, regardez les anges gracieuses des révérences, vous serez seulement second, voilà votre pitant. Ouais. Yo, yo, qu'est-ce que tu peux faire? Écoute ce son. Ce son qui fait bouger les bons et les gangsters. On est là, toujours bien placé. Ce que je fume est bien tassé. Et ta réputé est bien cassée. Tout est dit à chaque phrase. Je me sentirais visé si j'étais à ta place. On est les boss ici. Lamborghini, la pizza chaude. Quand je débarque dans le club, je rends la piste folle. Je sais que tu aimes ça bébé quand cuisse te colle. Ceux qui clashent, je les laisse clasher. S'ils veulent faire des tâches, je les laisse tâcher. Ce que je fais, les ricains font trois mois après. Ce qui fait que quand le disque sort, vous ne serez toujours pas prêts. Vous parlez, mais ne nous connaissez pas. Comme dit mon père, bon maintenant je vais coller des claques. Ouais, y'a des claques qui se perdent. Tu veux rivaliser alors que t'as un style de merde. Paravoine, tout le monde vient habiller, mais tout le monde part à poil. Vent,

viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. J'ai pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Yo! Toujours André Péloquin en votre compagnie sur Plectrum, la grande traversée du jeudi sur les ondes de CISM. On vient de terminer avec Camini. C'était la pièce Marly Gaumont. Un peu avant, on avait Parawan en compagnie de TTC qui seront d'ailleurs de passage, pour ceux qui ne le savent pas, à Montréal la semaine prochaine dans le cadre de Pop Montréal. Pour plus de détails, popmontréal.com. C'était la pièce Musclore. Un peu avant, on avait DJ de Beaumarchais avec Ma Redingote et on a débuté avec Capitaine Brakmar et la pièce Paye tes œufs. On va terminer cette heure francophone avec des pièces un petit peu plus folk avant d'enchaîner avec l'heure anglophone. Vous aurez droit lors de ce petit bloc franco, entre autres, à des pièces du Comte du cul. On va aussi avoir du Malajube et du Trois Accords, histoire de faire changement. Après la pause publicitaire, je vous invite à rester à l'écoute. On va avoir entre autres des pièces des Deers, on va aussi avoir du Raptures, une nouvelle pièce de Beck, on va aussi avoir du Chaos, du Buck 65, du Lily Allen. Bref, une deuxième heure assez survoltée, merci. Je vous rappelle mes coordonnées si vous voulez me rejoindre. C'est le plectrumcism@hotmail.com, c'est le courriel. Le plectrumcism.blogspot.com, c'est le site web. Le podmodernisme.blogspot.com, c'est ma balado-diffusion. Et le cism893.ca, c'est le site de la station qui entoure, qui englobe tout ce que je viens de vous nommer. On débute dès maintenant avec Saint-Cyril de Wendover, des Trois Accords sur la marge. À tout de suite. I say sit ill the wind over yon a body curve. I say sit ill the wind over folk box at the nerve. I say sit ill the wind over she don't y pense. Le look et les deux couleurs de notre bobsleigh. I say sit ill the wind over ton absence me gruge. Depuis que j'ai plus de partner. Je le vois apparaître. fait chier et m'ennuie, mais je suis moi-même chiant. J'ai peu d'âme et brillant, car autrui m'ennuie et me fuit, les gens sont décevants. Et à Sarkozy, tout est chiant, je m'ennuie. Et quand je pense qu'autrui pense strictement ce que je pense de lui. Oh, oh, chier m'ennuie, mais je suis moi-même chiant. Autrui m'ennuie et me fuit, et moi je le trouve chiant. Les gens sont décevants. Je suis chiant, je m'ennuie. Et ce suiveur d'autrui qui pense strictement ce que je pense de lui. Oh, oh. Tout est chiant, et toi le premier, toi qui nous casses les couilles.